he's not coming back. Radio Malak. Yo Malak. 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. Les inachevés. Les inachevés. Merci monsieur. Nous les pirates, on doit être fiers de notre nom. Will be lost in time like tears. Chers auditeurs, chères auditrices, passionnés ou simples curieux de l'architecture, bonjour. Permettez-moi de commencer par ce court préambule. Cela fait plus d'un an qu'avec Fane, celui avec qui j'anime cette émission, nous rêvions de faire ce podcast. Un des sujets que nous voulions absolument aborder est celui de la culture de la charrette, tradition ancrée dans nos études d'architecture. Et lors de la préparation de cet épisode, à notre plus grande surprise, nous avons vu apparaître dans l'actualité de nombreux articles traitant de ce sujet. Amandine Castillon écrit le 26 octobre 2020 dans Les Échos l'article « Étudiants en architecture, ils se construisent dans la douleur ». Sarah Finger, le 5 novembre 2020, écrit dans Libération l'article « En architecture, un régime basé sur la terreur, le harcèlement et l'intimidation ». Finalement, Alice Rebaud écrit le 19 novembre 2020 dans Le Monde l'article « En école d'architecture, les dérives de la culture de la charrette ». Les problématiques que soulèvent ces articles ne sont pas nouvelles, et nous ne risquons pas d'y répondre d'ici la fin de cet épisode. Cette émission représente simplement une opportunité de recueillir les avis et les témoignages de quelques étudiants en architecture. J'ai donc l'honneur d'accueillir pour ce deuxième épisode de Radio Malak deux invités d'exception, Morgane et Tristan. Comment ça va? Ouais, bravo. Moi je vous applaudis tout seul. Voilà. Et je suis comme à l'accoutumée épaulé de mon co-animateur. Il est fantastique, audacieux, incroyable, non conformiste et engagé. C'est le F, le A, le I, le N et le E. C'est Fane, bien évidemment. Oh, ouais. Franchement, belle présentation. Là, foule, Fane, comment ça va, Fane? C'est le S. Voilà, c'est moi. Ouais, le F, c'est le S. Et comment ça va que... Oui, comment tout ça va, les invités? Bien. Super. Super. Bien. Ok, bah, je vais vous cette... Vous êtes chaud, ça fait plaisir. Aujourd'hui, du coup, pour cet épisode, on a décidé de parler de la culture de la charrette, qui est un sujet qui nous concerne un peu tous. Pendant cette émission, du coup, on va parler de petites anecdotes qu'on a vécues pendant des charrettes. Et on enchaînera tout simplement... on va commencer par un jeu aussi, que Fane animera, et puis on finira sur un petit débat, des questions, voilà, sur ce sujet. Je pense que Fane nous a concocté un petit jeu. Alors, histoire de nous mettre sur un mood plutôt cool avant de parler d'un sujet un peu plus un peu plus profond, violent, on va dire. Non, non, j'avais pas de jeu cette semaine. Tu m'as demandé de faire un jeu, je n'avais aucune idée. Et donc j'ai demandé à Jean Capel, le fameux Jean et l'histoire de la gouttière, s'il n'avait pas un jeu en rapport avec l'architecture à me donner. Et Donc, après avoir plagié le floodcast, on va continuer. Et donc, cette fois, on va plagier un jeu d'Adrien Méniel, le jeu des films qui baisent ensemble. Mais puisqu'on parle d'architecture, on va dire que ça passe. Ok. Le jeu des quoi? Le jeu des films qui baisent ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, non. Moi, je connais, ouais. Non, mais c'est, en gros, il mélange dans un pitch... deux films, et en fait, il faut trouver quels sont les deux films mélangés à travers un jeu de mots. Ok. D'accord. Donc, okay. Je vais mélanger la biographie d'un architecte avec un film, le synopsis d'un film, et il faudra trouver à l'aide d'un mot-valise, d'un jeu de mots, le film et l'architecte dont je suis en train de parler. Ok. Ça m'a l'air bien compliqué, mais je pense qu'on peut... Par exemple, entre le film Magic Mike et Sejima, la réponse est Seji Magic Mike. Est-ce que vous comprenez? Waouh, tu vas loin. Ok. Voilà, sachant que d'habitude, je déteste les jeux de mots, mais ceux-là sont tellement absurdes que ça m'a beaucoup fait rire. Okay. Et c'est à notre portée ou ça va être compliqué? Non, c'est très simple, c'est des classiques. Ok, vous êtes prêts? Vas-y. Alors... J'ai écrit New York délire en partant en Égypte avec un druide. En Égypte, j'ai construit une pyramide sous l'ordre de Cléopâtre qui voulait prouver quelque chose à César. tout en écrivant New York Délire. Oh là, mais je crois que j'ai les deux, mais je vois pas du tout de jeu de mots là. C'est quoi les deux? À votre bah attends, on va pas dire maintenant, faut trouver la boutade. Morgane, t'as Non, j'ai pas les deux, attends. Je sais pas, moi je dirais Remco Lass et le Mission Cléopâtre. Alors tu es presque, t'es vraiment proche. Pense à la base du film. Ouais, mais faut le nom de... Ouais. À la quoi? À la base du film? Ouais, la franchise de Mission Cléopâtre, on va dire. Astérix et Obélix. Ah, Remco Astérix Mission Cléopâtre. Ouais, c'est ça. Attends, quoi? Remco Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Remco Astérix. Ah putain, bien vu. Voilà. Bien trouvé, putain, celui-là. Chercher, pas mal. Celui-là. Ouais. Franchement, il est tordu. second titre valise. Ouais. Architecte japonaise. Un grand barbu m'a contacté et m'a dit: tu es un sorcier. Une sorcière, pardon. Pendant que je partais à Poudlard, j'ai dessiné les plans d'un bâtiment qui a le nom d'une montre de luxe, quelque part en Suisse. Rolex. Là, vous devez commencer à avoir les deux. Ouais. Bah, moi, je dirais... C'est J. Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, ça marche, mais il y a aussi le nom de l'agence. Ah. Sana Harry Potter. Voilà. Sana Harry Potter. Oui. Oh, Tristan, il... Franchement, il carbure. Il est dommage. Eh, j'ai du mal, hein. Mon cerveau, j'ai l'impression, il n'est pas fait pour ça. Alors, il en reste deux. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai construit les plans d'un bâtiment qui dialogue avec Notre-Dame. C'est un dialogue entre les religions. Et je l'ai fait pour sauver l'Empire... De... Non, surtout pas, je recommence. J'ai construit un bâtiment qui a pour but de créer un dialogue entre les religions, entre la chrétienté et l'islam, et je l'ai fait dans le but de sauver la république de l'Empire Galactique. Oh, punaise. Répète. Attends, je vais essayer de trouver d'autres phrases. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai construit récemment un immeuble tricolore à Marseille, mais aussi un Louvre à Abu Dhabi. Non, mais je vois, mais c'est juste que j'arrive pas à trouver le jeu de mots. Alors, un conseil, il faut trouver... cette fois, faut trouver un des épisodes de la franchise, quoi. Ah, putain. L'Empire. Il y a un des épisodes de la franchise, vraiment, qui commence... J'ai un nouvel espoir. Ouais, c'est ça. Oh, punaise. C'est ça. Oui. Tristan, il est... Moi, j'étais sur l'Empire contre-attaque. Je me disais qu'avant Jean Nouvel, ça peut aller avec l'Empire contre-attaque. J'avais un peu de mal. Mais Jean Nouvel Espoir, ça me fait beaucoup rire, cette tournure, en fait. Ouais. Tu les avais tous, Tristan, les titres de Star Wars en tête, comme ça? Bah, avec Nouvelle, je pense que ça coulait dessus. Ah ouais, bah, j'avoue, punaise. Bon, Morgane, on est un peu à la ramasse. C'est quoi? On en fera deux. Encore deux. Parce que je viens d'en retrouver un de Salomé, en plus. Ils ont écrit pour moi, hein, clairement. Ça a été mes auteurs, parce que moi, je suis très mauvais en jeu de mots. Ça m'a fait rire. Je suis un architecte grisonnant, un boomer qui pense que le béton est écologique. J'ai construit pas mal à Marseille. Cependant, mon bateau risque de heurter un iceberg. Mon bâtiment, pardon, risque de heurter un iceberg. Putain, c'est une catastrophe. Je suis un très mauvais animateur. Est-ce que vous avez l'architecte? Je cherche architecte. Je crois, ouais. Attends. Ah, ok, Riccio Titanic. Ouais, c'est ça. Riccio Titanic. Riccio Titanic. Riccio Titanic, c'est ça. Et enfin, un dernier qui est très technique. Clairement, je vais pas le trouver, je l'annonce. J'ai construit simultanément la cité de la musique, mais j'ai aussi, à partir de l'ADN d'un moustique, recréé une génération d'animaux disparus jusqu'à présent. Ah, j'ai trouvé. T'as trouvé? Déjà. Christian de Borzan, Jurassic Park. Ouais. Ouais. Il a trouvé un diplôme. Allez, ça me fait 4 points. points. Vous avez C'est la domination totale. T'es trop chaud là. Vous êtes explosé. Franchement, ouais. Bah écoute. T'en fais beaucoup des jeux de mots dans la vie, Tristan, pour être habitué comme pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Mais je connaissais déjà ce jeu, donc je voyais à peu près comment ça marchait. Mais j'adore, c'est trop bien. Tu devrais faire ça pour les prochaines émissions. Yes, bah. Franchement, je resolliciterai Salomé et Jean, comme ça en plus ça m'évite d'avoir à préparer une émission. Et c'est toujours... Ouais, c'est ça. Toujours pratique. Non, bah voilà, c'est tout pour ce jeu. On peut commencer à proprement parler. Merci Fain. Et Tristan, bravo. Hein, merci. Clairement, tu domines dans cette catégorie. Je domine. Et domines-tu aussi dans les anecdotes de Charette? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Donc, très très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la charette chacun? Oh là là, ça commence fort. Bah, écoute, c'est un sujet très vaste, pour commencer. Ouais. Est-ce qu'on peut définir, entre nous, ouais, ce que c'est que la charette? Enfin, même si, on va voir, ça prendrait des heures de définir exactement ce que c'est, mais le béaba, quoi. Morgane, comment tu le vois, toi? Alors, bah, c'est une période intense de travail où on essaye de produire le max de doc dans un temps imparti. Oui. C'est souvent juste avant le rendu du projet, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est associé au fait de grignoter sur sa nuit pour travailler, en fait. Pas mal. Ouais, grignoter, moi j'aurais plus bouffer, avaler toute une nuit, ouais, mais... Engloutir, ouais. Engloutir, exactement. Donc on se retrouve des fois sur quelques jours ou sur une plus longue période, bah, à charbonner comme des malades. Ça peut être à cause d'un retard qui a été pris au préalable ou alors tout simplement à cause d'une un peu une surcharge de travail donnée par les profs. Oui, clairement, l'excuse du prof à chaque fois, c'est bah, vous auriez dû vous organiser pour pas faire de charrette, mais c'est pas forcément lié à ça. Parce que tu pourrais très bien travailler les nuits de tes jours pendant les 2 mois et quand même être en charrette en fin de projet. C'est plus une question de quantité de travail que les profs exigent plutôt que d'organisation au final. Parce que je pense que personne n'y a échappé à la charrette, que tu sois hyper organisé ou très procrastinateur. Justement, Morgane, par exemple, toi, c'est quoi un de tes premiers souvenirs de nuits passées ou alors de périodes complètement débordées par le travail comme ça? Mais je pense que les premières, mais c'était pas vraiment des charrettes, c'était plus en L1 quand on a eu tous ces exercices à faire, à produire sur différents sujets et que je venais d'arriver en archi et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et je me suis retrouvée un peu en page blanche et là je sentais grave la deadline en fond et rien qui venait forcément. Et je savais qu'il fallait quand même que je produise un truc. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé, on va dire, à sentir le stress que ça pouvait être une charrette, etc. Et après, les vraies charrettes où j'ai grignoté sur mes nuits, c'était plus en deuxième année pour le P4. Où là, vraiment, il fallait jusqu'à la dernière minute terminer les docs, etc. Et t'as des exemples concrets, de moments où justement tu t'es retrouvé dans une situation comme ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, dans quel contexte? Il y a eu des fois où j'étais hyper tétanisée, donc j'ai fini par rien faire. Enfin, vraiment, quand je suis hyper stressée, ça m'arrive de complètement bloquer et de rien faire. Après, les autres moments où... Il y a des moments où alors, je savais ce que je voulais faire au final et que j'avais un objectif fixé et il fallait juste que j'arrive à tout faire et je voyais plus le temps passer. J'étais sur mon document un peu comme si j'étais déconnectée de la réalité et que je faisais que dessiner les trucs. Et je sentais en fond quand même... Est-ce que t'as un épisode, genre un exercice précis, à une date où vraiment cette charrette t'a marqué quoi? Une anecdote, quoi. En fait, je me souviens de périodes entières où, justement, j'étais complètement décalée. Je sais pas, c'était la semaine qui était avant le rendu du projet en P4, sûrement. Où, Enfin, j'étais complètement décalée. En fait, mon rythme de vie, c'était je rentrais, je taffais jusqu'à pas d'heure. Ensuite, je dormais genre une heure quand j'avais le temps. Et je me réveillais, j'allais en cours. Enfin, c'était trop bizarre. J'avais l'impression que j'étais dans un autre mood que dans la vraie vie, quoi. Et ouais. T'as ce réveil qui est si atypique de la charrette, où t'as dormi une heure, mais t'as même pas vraiment dormi, parce que ton cerveau, il est encore en train de penser à ce que t'étais en train de faire, ce que t'as pas fini. Ouais. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui, tellement. Non, mais totalement. En fait, tu t'arrêtes jamais de penser à ton projet. Je me sens un peu comme si j'étais un peu défoncée, déphasée, je tremble un peu. Ouais, t'es dans un état. T'as trouvé dans des situations similaires, Tristan, toi? Ouais, moi, c'était aussi, c'était surtout premier semestre. Je me rappelle de ma première charrette. Mais en fait, même déjà, la première semaine d'intensif, je me rappelle qu'on avait vraiment énormément de taf et ça donnait vraiment le mot d'ordre de nos années à venir. Mais ma première charrette, ça a été en première année avec... Bon, je vais pas dire nom du prof, hein. Mais c'était, j'ai dû travailler toute une nuit sur une maquette. Bah, t'étais avec moi, Elliot et Fine. On était tous ensemble. C'était un projet de maquette un peu assez, très conceptuel, mais du coup, je me rappelais avoir passé toute la nuit dessus, en train de couper du carton, à coller avec de la colle. Et je me rappelle que genre, je me coupais avec le cutter, je me brûlais avec la colle chaude. Et j'étais dans un état tellement second que j'en avais plus rien à faire. Genre, limite, des fois, je me brûlais un peu avec la colle pour me réveiller. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Et voilà, tu t'endors parce que tu peux rien faire. Genre, tes yeux, ils se ferment tout seuls. Et t'es quand même là à couper ton petit carton dans ta chambre en pleine nuit, là. Et quand tu te réveilles, bah, t'es toujours en train d'y penser. Tu fais des rêves de maquettes, ouais, c'est ça. De gros cutters géants qui te coupent. C'est ça tout le temps, en fait. Bah, je crois que c'était pendant cette première année, pareil, en parlant de maquettes, etc., que je me suis retrouvé, première anecdote, entre guillemets, en pleine nuit à bosser sur un projet, à faire une maquette. Et donc, la fatigue commence à taper, le manque de concentration. Je découpe mon carton, et là, j'arrive, et j'entaille mon pouce avec le cutter. Et là, vraiment, pendant 2 secondes et demie, je réfléchis si je continue de couper en m'écorchant un bout de doigt. Parce que vraiment, tu sais, t'en entends peu plus, quoi. Ou est-ce que tu t'enlèves le cutter et tu recoupes après. Mais il y avait vraiment ce sentiment de désespoir à la fin de... J'en peux plus, quoi, je veux que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Genre, ta santé, elle a plus aucune valeur, en fait. T'as juste envie de finir ton projet... Et 5 heures du mat, ta seule envie, c'est de terminer pour dormir. Genre, tu t'en fous de te couper ou d'être en plein stress. C'est ça qui est horrible, en fait. Et non, mais en plus, on en parle de... Enfin, il est 4 heures du matin, t'es dans un état second. Quand tu fais une maquette, ton appart, c'est un enfer. Ah, c'est le bazar. C'est-à-dire que il y a vraiment du carton partout, par terre, du tesa sur les murs. Il y a peut-être un truc que t'as commandé à manger qui traîne sur le bureau. T'es dégueulasse. C'est vraiment une sensation, c'est horrible, quoi. Enfin, moi, je trouve... Le pire, vraiment, c'est au moment de se coucher, entre guillemets, et que tu retrouves... tu dois ranger. Parce que moi, sur mon lit, à chaque fois, c'est le bordel, tu vois. Et clairement, je dors dans ma maquette, quoi. Tu peux plus... T'as plus d'énergie pour ranger les choses. Bah ouais, surtout quand t'as des... Mais tu le fais. Moi, je le fais carrément après. Le lendemain. Genre, ouais. Ouais, moi, souvent, c'est genre... Je fous tout dans un sac, tu sais. En fait, c'est comme si je cachais, je nie le bordel, je fous tout dans un énorme sac plastique rouge Yeplait, tu sais, celui que t'as acheté pour ramener ton carton. Puis je dirais, bon, je rangerai demain, je ferai le tri, quoi. T'as des anecdotes comme ça, toi, Fanny, aussi? Bah après, ouais, il y a mille choses à dire sur la charrette et il y a mille raisons de faire ça. Mais moi, j'ai fait des... Là, j'en fais plus trop. Depuis un an, j'en ai pas fait. Ouais, justement. C'est le sujet que je voulais aborder après. C'est pour plein de raisons, en fait. Parce que moi, on va dire que j'ai fait des charrettes pour les bonnes et pour les mauvaises raisons. Il y a beaucoup de fois où j'ai été très con, on va dire, où j'ai pris du retard, où vraiment, j'ai profité, entre guillemets, de mes potes, de faire la fête, de faire du sport. À l'époque aussi, j'avais une copine, donc ça aussi beaucoup, genre, passer du temps avec ma copine et après faire, bon, bah, maintenant, c'est la merde, quoi, genre, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Donc ça, qui sont un peu, on va dire, ça relève de moi, quoi, de moi qui me suis mal organisé. Mais il y a aussi eu des charrettes qui ont été imposée ou vraiment c'est la faute du prof. Par exemple, je vais revenir, j'étais en Italie il y a un an et demi encore, donc en Erasmus à Milan, et j'étais avec un prof qui, dès le départ, nous a dit « Si vous êtes architecte, vous devez travailler chaque heure, minute, seconde, du jour et de la nuit. » Donc le prof te dit ça au début du semestre. Et du coup... Ouais, c'est pas le truc très rassurant, quoi, pour le reste du semestre. Franchement, il faut fuir ce genre de personne, je pense. Vraiment. Je vais expliquer pourquoi. Mais du coup, en fait, ce qu'on faisait, c'était un complexe culturel qui faisait 5000 mètres carrés. Donc, il y avait un taf juste énorme. En plus, on était tout seul. Il y avait un taf d'analyse et évidemment un taf de conception. Et chaque semaine, il fallait tout recommencer. Il fallait recommencer les 5000 mètres carrés de ce centre culturel. Et en plus, en fait, en Italie, ça marche avec un prof référent et 5 assistants. Les assistants ne sont pas d'accord entre eux, ils ne sont pas d'accord avec le prof. Et en plus... ils ne sont pas là en mode, c'est ton projet, tu fais ce que tu veux. Souvent, ils exigent que tu suives leur directive et du coup, tu te retrouves à suivre les consignes d'un des assistants. Tu fais aller le projet dans ce sens-là. Et puis après, tu revois le prof, tu te fais défoncer et tu rechanges tout. Et donc, je suis arrivé à un stade où chaque semaine, il fallait tout recommencer. C'était un enfer, quoi. Déjà parce que j'étais fatigué. Évidemment, quand tu es fatigué, il y a un filtre vraiment qui se pose sur ton regard et sur ta vie. Et aussi parce que j'avais l'impression de ne jamais avancer, quoi, puisqu'il fallait recommencer chaque semaine. Ça, du coup, c'est une bonne question. La question de l'impact sur la santé, je pense qu'on a tous un avis un peu là-dessus et on a tous un peu subi. Mais je vais revenir. Moi, sur mon expérience au Maroc, je me rappelle que... Pareil, je trouve que tu relèves un bon truc. C'est que des fois, il y a des charrettes que tu fais un peu parce que, en effet, tu étais mal organisé. Et d'autres qui sont un peu infligées par des profs. Ouais, ou même des fois parce que tu l'as un peu, entre guillemets, choisi. Tu sais, tu te dis, tant pis, je travaillerai plus tard, quoi. Ça arrive. Ouais. Du coup, au Maroc... Et parfois, c'est aussi... Ouais, parce que tu... Enfin, tu trouves pas d'idée aussi. Enfin, ça peut te retarder dans ton travail. Et tu fais tout la veille, du coup. Ouais. C'est comme les gens qui disent « Ouais, je travaille mieux sous la pression, avec la pression. Mm-hmm. » Exactement. Moi, c'est ça. Genre, ouais, t'arrives à 24 heures du rendu et tu fais « Ok, là... » Exactement. J'ai pas du tout de motivation s'il n'y a pas de deadline. Ce qui fait que je me retrouve à 2 jours du rendu et à devoir tout faire en non-stop. Mais en fait, je pense que pour certaines personnes, et aussi pour moi, c'est grave un rythme de travail qui me va, dans le sens où je préfère concentrer. Genre, je travaille énormément pendant cette période-là et je suis très motivé, j'avance énormément. Et si j'ai pas cette deadline, j'avance pas du tout, j'ai aucune raison de... Enfin, je trouve pas du tout la motivation d'avancer. Mais tu sens les répercussions physiques et mentales sur ton corps après ? Ah oui, clairement. C'est pas anodin. Oui, tu sens que pendant toute la semaine, t'es un zombie, t'es fatigué tout le temps, t'arrives même plus à réfléchir. Mais tu te dis qu'en fait, après cette période-là, ça va mieux aller. Que tu vas avoir du temps pour toi pour te reposer, pour récupérer toutes les nuits que t'as pas eues. Mais moi là-dessus, sur la enfin, comment ça peut affecter ton état mental, je sais qu'après avoir fait une charrette, je crois que c'était en P4, je suis arrivée le lendemain en cours et j'ai montré ce que j'avais fait au prof. Et là, il a dit un truc du genre « Ouais, pas besoin d'être architecte pour produire une merde pareille » ou enfin quelque chose de super cru. Et j'ai jamais répondu au prof d'habitude, mais là, j'ai complètement craqué et je me suis énervée et j'ai dit « Mais non, c'est pas du tout ça !» et tout. Et j'avais l'impression d'être sortie de moi-même et que c'était une autre personne. Ouais, genre vraiment, le stress m'a provoqué une sorte d'irritabilité, une sorte de crise bizarre, quoi. C'est vraiment ça. Tu deviens une autre personne. Tu te perds un peu toi-même. Tu ne vois pas les choses... En fait, c'est vraiment... ça impacte sur ton caractère, ça vient carrément changer ta personnalité, quoi. Du coup, je reviens sur mon anecdote du Maroc que j'ai pas pu commencer. Pardon. Mais en gros, oui. Pour le coup, je m'étais pris un peu au dernier moment, mais aussi il fallait produire une grande dose de travail. Et pareil, dernière semaine, charbon à fond jusqu'à pas d'heure. Et je me rappelle très bien que du coup, t'enchaînes une première nuit. Tu dors peu, une deuxième, une troisième, et une quatrième limite, et t'arrives le jour du rendu, et là, perso, moi je suis en PLS, hein. Et je passe toute la journée à attendre pour présenter. Je suis quasiment, non mais vraiment en boule quoi, par terre. Ouais. Le prof me fait clairement la réflexion que je suis blanc, livide. Et la et faute après la présentation, hein? Genre le prof qui te dit ça quoi, c'est comme s'il savait pas de. Ouais ouais. Il dit là t'as mal dormi? Bah non. Vas-y enfonce le clou bâtard quoi genre. Pardon. Non ça va, il était gentil, c'était un prof qui était cool. Mais en fait, surtout, après, la séance est finie, les présentations sont finies, et là, il y a certains élèves qui se disent « Allez, on va aller manger un truc, boire quelque chose. » Et moi, j'étais incapable. J'avais vraiment mal à tout mon corps, de la tête aux pieds. Je suis rentré chez moi, il était dans un alentour entre 17 et 18 heures. Et là, je pense avoir dormi 15 heures, d'un coup. Blackout, totalement. Et tu te rappelles des choses qui se sont passées, tu te rappelles à peu près de la journée de ta correction même, ce jour-là? Ah bah, clairement, c'était vraiment une souffrance. Je pense que c'est un des pires moments de mes études. Enfin, cette journée précisément, il y avait vraiment un sentiment de tout mon corps qui faisait mal, quoi. Et vraiment, ce sentiment, j'ai envie de m'allonger par terre et de dormir. Et bah, c'est arrivé... à la fin de mon année, donc ça allait, parce qu'après c'était les vacances, mais le dernier jour, c'est une douleur constante jusqu'au moment où tu dors, quoi. C'est le seul truc que tu as envie de faire, quoi. Ouais, tu suis la correction et tu es là, mais enfin non, c'est pas que tu es ailleurs, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu as travaillé tout ce temps-là pour, au final, être là à la correction, au jury, mais tu ne comprends rien à ce qu'on te dit, genre. Ah oui. Moi, mon travail, il est fait, c'est bon, jury, je le défends comme je peux, mais j'ai plus rien, quoi. Je suis vidé. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que c'était finir pour finir, et au final, c'était pas finir pour progresser, parce que t'as pas vraiment écouté, parce que t'étais pas là, c'est même pas possible physiquement, t'es tellement fatigué que t'es ailleurs, quoi. Donc c'est dommage. Donc quand j'étais à Milan avec cette espèce de prof... Toujours, hein, toujours Milan. Mais franchement, moi, ça a été la période de mes études la plus compliquée. Mais non, parce que ce prof, c'était vraiment très dur. Déjà parce que, comme j'étais fatigué en permanence, ma mémoire et ma réflexion étaient bien moins efficaces qu'avant. Et ça rend fou. Parce que tu te dis, mais attends, genre, comment ça se fait est-ce que je suis en train de régresser intellectuellement? C'est fou, quoi. En fait, non, t'es fatigué et t'es en train de broyer du noir. Mais vraiment, t'es en train de te déprécier toi-même. Mais, bref, non, un jour, j'étais extrêmement fatigué. Donc je travaille très tard, je me couche bien après mon colloque, je dors 3 heures, évidemment je me réveille avant lui, déjà ce décalage il est lunaire quoi, tu te couches 3-4 heures après lui, tu te réveilles 3-4 heures avant lui, non, et je finissais en fait ma maquette pendant le studio de projet, et je me suis coupé, voilà, mais je me suis coupé assez violemment quand même, et donc je commence avec un cutter pendant une maquette. De quoi? Avec un cutter. Ouais, je finissais de couper ma maquette, je sais pas quoi, je me coupe avec un cutter. Ça, j'ai l'impression que c'est classique, hein. Vraiment, je pense que... Ouais, c'est un classique. Ouais. C'est tout le monde s'est coupé au moins une fois, 4 heures du mat, avec un cutter sur une planche à découper. Ouais, c'est nos marques de guerre, genre, c'est nos cicatrices. Mais non, et du coup, je commence à aller aux toilettes, parce que ça saignait beaucoup quand même, hein. J'avais vraiment les mains pleines de sang. Les gens se demandaient ce qui m'était arrivé. Et en fait, je commence vraiment à tituber, quoi. Parce que je sens qu'il y a mon cœur qui bat dans ma coupure. Et à ce moment-là, j'ai pas d'énergie, parce que j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Et du coup, j'arrive plus à tenir debout. Et du coup, il y a un mec qui vient me prendre par le bras. Il y a le prof qui vient me prendre aussi par l'autre bras. Et il commence à m'amener aux toilettes. Et on arrive dans les escaliers. Et vraiment, là, je pose mon pied. Et je m'effondre, genre. Tu te casses la gueule dans les escaliers? Bah je perds conscience. Tu perds conscience? Ça, c'est dans un tel état, et de voir le sang sur ma main, et de sentir mon cœur qui défonce... Enfin, tu sais, tu sens le cœur qui tape dans la blessure, là. Ouais. Et bah ça m'a mis un coup de... Un espèce de coup de... Je sais pas trop ce qui m'est arrivé, j'avais plus d'énergie. Et je me retrouve, je me réveille, je suis dans les toilettes avec le prof qui me balance de l'eau sur la gueule, tu vois. Putain. J'étais en mode, mais... Enfin, à quel moment... Mais tu penses que... Pourquoi t'en es arrivé là, à ce point-là? Bah, en fait, c'est juste que j'étais très, très, très, très fatigué, vraiment. De toute une semaine, enfin, même de plusieurs semaines d'affilée, être très fatigué. Et le fait de voir cette blessure si profonde, de la sentir, je sais pas pourquoi, ça m'a... Ouais. Non, mais c'est normal, je pense. Mais pourtant, ça m'est jamais arrivé de tomber dans les pommes... Non, et du coup... Heureusement qu'ils étaient là pour te rattraper. Hein. Ouais, je me suis tombé dans les escaliers. Et du coup, il était là en mode, mais... genre, tu sais, il voyait que j'étais pas bien. Il commence à me parler de sa fille qui s'est fait piquer par un serpent. C'était un Italien, en plus, un mélange entre français et italien. C'est une catastrophe. Il commence, en fait, à me faire la morale, genre, tu te rends compte que moi, ma fille, elle s'est fait piquer par un serpent au Fidji. Il n'y avait pas de secours et tout. Et toi, t'es là... Tu t'évanouis pour une petite coupure à la main et j'étais là en mode, mais je te hais tellement fort, quoi. Je te hais tellement fort. C'est ta faute, tout ça. Genre. C'est ta faute, c'est toi qui... Ouais, il y a une mauvaise compréhension. Enfin, on ne comprend pas forcément par quoi, ce que tu subis, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est toi qui me... C'est toi qui, chaque semaine, défonce mon travail. Me dit, tant que tu n'as pas travaillé suffisamment, tu ne dors pas. Donc, enfin... C'est juste le décalage était fou à quel point le mec était incapable de se mettre à ma place, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord, je pense que les profs ils ont une limite, une certaine fierté quant à la culture de la charrette. Le genre, ils sont toujours à te dire, bah, comme ce qu'il t'avait dit, et même moi on m'avait dit, bah, si vous comptez avoir de l'argent sans travailler, bah, faites pas architecte en fait, parce que ils ont une sorte de. Genre, ils sont fiers d'eux-mêmes d'être des gros bosseurs et ils veulent nous... Genre, en vrai, je pense que cette culture de la charrette, elle montre une certaine réalité quand tu travailles en tant qu'architecte. Non, mais qui devrait pas être le cas. Forcément, il va y avoir des nuits après, ou des semaines où tu vas bosser beaucoup. Donc, ils veulent un petit peu t'habituer et également aussi filtrer les personnes qui seront pas capables de soutenir ça physiquement et mentalement. Sauf que justement, le problème, c'est que ça pousse beaucoup de gens à bout. Et dans les exemples d'articles que je présentais au début de l'émission, il y avait plein justement de témoignages de gens qui finissaient en dépression, qui étaient sous anxiolytiques, qui arrêtaient ses études, qui étaient complètement en burn-out, et que du coup, ouais, ça peut aller très loin. Oui, c'est sûr, mais après, c'est peut-être justement ça qu'ils souhaitent, enfin, je ne sais pas s'ils le souhaitent, mais du coup, les personnes qui ne se sentent pas du tout de continuer ce rythme de travail, eh ben, ils arrêtent. Et du coup, bah, les seules personnes qui restent, au final, c'est ceux qui arrivent à se tenir la pression. Et c'est hyper cruel comme méthode, mais au final, bah, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Mais ouais, tu disais qu'il y en a qui étaient fiers, mais c'est justement ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas à être fier d'une méthode de travail qui te tue la santé, quoi. Parce que les architectes qui meurent de crise cardiaque même à 60 élèves, ans, je trouve. Il y en a plein. Les élèves glorifient, je pense, quand tu arrives... en première année et que un prof te fait un tel discours, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais du coup les élèves glorifient un peu ça, hein. Ils arrivent en cours, ouais, hier j'ai dormi 2 heures, waouh, incroyable. Mais je pense que c'était plus en L1, les gens genre ils mettaient des stories en mode ouais regardez je suis en nuit blanche et tout ça, mais au fil du temps on s'est rendu compte quand même que c'était pas forcément agréable et on arrêtait un peu de glorifier, je pense. Justement d'ailleurs aujourd'hui par rapport à votre arrivée en première année, est-ce que vous avez un rapport différent à cette charrette? Est-ce que c'est parce que c'est une meilleure organisation? Est-ce que c'est parce que juste vous pensez plus à votre santé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que j'ai appris à me consacrer du temps pour ma santé et que réussir à mettre des limites sur quand est-ce qu'il faut arrêter en fait de travailler, parce qu'au final ton projet d'architecture tu peux bosser dessus des mois et des mois sans t'arrêter, il sera jamais fini. Il faut que toi tu places ta limite, où est-ce que tu veux, quel est ton objectif, et ça quand tu arrives à le comprendre et que tu arrives à trouver tes limites, et ben ça va beaucoup mieux, tu arrives à mieux t'organiser et tu arrives à mieux gérer la pression surtout. Je pense qu'il y a un moment, il faut dire la même chose. Il faut dire fuck, hein. Il faut dire j'arrête. Je veux dire, ma santé prime sur tout. Parce que c'est le cas. Enfin, je pense qu'il faut dire ça. Et il faut dire... C'est ce que t'as fait, toi, Fain? Bah, moi, maintenant, je suis arrivé à un stade où... si j'ai pas terminé mon document pour le lendemain, et que je sais que ça va me prendre encore 2-3 heures de tout terminer, je dis fuck. Je dis tant pis, c'est pas grave. Je le ferai la fois d'après. Et si le prof il est pas d'accord, bah tant pis quoi. Et après c'est aussi parce que j'ai pris une énorme confiance en moi dans le projet. C'est-à-dire qu'en L1, j'arrivais, je présentais plein de trucs et c'était souvent n'importe quoi. Là, je pense que j'ai appris quand même un peu mieux à viser juste et à proposer des choses cohérentes. Du coup, j'ai aucun complexe à arriver à dire ça, c'est le sens de mon projet, c'est le récit de mon projet, c'est ce que j'ai fait et ce que je veux faire plus tard. Par contre, j'ai pas terminé ce document. Je pose ça et si le prof est pas d'accord, bah c'est pareil quoi. Non, regarde, tu penses à la même chose un peu. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, surtout que quand je suis arrivée en première année, j'avais trop ce rapport prof-élève. C'est-à-dire que je voulais à tout prix tout écouter et faire ce qu'on me disait. Sauf qu'après, déjà, j'ai redoublé, j'ai fait des trucs... Enfin, j'ai fait mon stage dans la revue d'architecture. Et ça fait que j'ai eu totalement une autre dimension par rapport aux professeurs. C'est que je les vois plus comme quelqu'un forcément de supérieur à moi, mais juste quelqu'un avec qui je vais dialoguer. Et donc, il faut pas que je prenne les choses trop à cœur, tu vois. Et que je fais des trucs, au final, c'est pour moi-même aussi. Enfin, c'est pas pour plaire au prof. Et je trouve qu'à partir du moment où tu te dis ça, ça aide aussi à te détacher un peu et à savoir fixer tes limites. Je pense qu'il y a aussi une question d'optimisation de ton temps. Et c'est en rapport aussi au fait que dans notre école, on n'a aucun cours sur l'informatique. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on passe énormément de temps, par exemple, sur des logiciels qu'on ne maîtrise pas forcément. Et on passe énormément de temps à faire nos documents plutôt qu'à créer du projet. Et du coup, ce temps pourrait passer plusieurs heures par jour pour un plan, alors que si on savait comment les faire beaucoup plus efficacement, et ben on passerait beaucoup moins de temps et on passerait moins de temps justement à... Ça, c'est sûr que c'est assez spécifique par rapport à Malaké, l'école où on est, qu'on n'ait pas de cours d'informatique et qu'on soit un peu lâché... en pleine nature, qu'on doit s'auto-former quelque part, ouais, c'est ça. On se retrouve dans, comme tu dis, hein, dans plusieurs fois dans des situations où tu passes plus de temps à comprendre comment faut faire X ou Y chose plutôt qu'à concevoir quelque chose d'intéressant, quoi. Mais après ça, je pense que dans tous les cas, en archi, tu te retrouves dans des situations où tu dois un peu te démerder, apprendre à te dépatouiller quand tu connais pas trop... comment tel ou tel logiciel marche, quoi. Mais moi, je voudrais rebondir sur un truc aussi, c'est que... Je sais pas si vous étiez là quand Renzo Piano était venu à l'école, à la conférence. Ouais. Moi, j'étais pas venu. Ouais, j'étais là. En fait, une des phrases qu'il avait dit, c'était que... Enfin, il avait même terminé la conférence sur ça, en disant « Méfiez-vous des beaux dessins ». Et c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'en soi, surtout quand t'aimes le dessin, c'est trop bien d'avoir un beau dessin. Pour toi, pour la beauté du truc. Et puis, ça va te servir aussi pour gagner des concours, tout simplement, d'avoir des dessins hyper clairs, qui sont beaux, qui véhiculent un truc trop fort. Mais je pense aussi qu'il faut faire gaffe à passer 24 heures d'affilée sur un beau dessin. Au final, je pense pas que ce soit ça qui te rende un meilleur architecte, parce que ça reste, en fait, c'est du graphisme et c'est pas de l'architecture en soi. C'est complètement décalé de la réalité professionnelle du chantier et de notre pratique en agence, quoi. Bah, c'est clair que tu te retrouves, quand tu te retrouves en L2, L3, master, etc., tu apprends à te concentrer sur ce qui est important et que tu vas pas dans tous les sens et tu perds pas du temps sur ce qui est pas utile. Donc c'est pour ça qu'avec plus de maturité et d'expérience, tu peux te retrouver à moins charreter, entre guillemets. Après aussi, ouais, sinon, c'est, question santé également. Je pense que la plupart d'entre nous aussi, on a dû se doper au café pour résister au sommeil pendant les nuits blanches. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants en architecture qui sont très très accros au café, ouais, et également à la cigarette, parce que j'ai remarqué que dans l'école il y a énormément de gens qui fument des cigarettes, et je pense que c'est vraiment relié au fait qu'on a énormément de stress à gérer, et que ta post-clope au final elle joue beaucoup sur ta santé mentale, et genre t'as besoin d'un moment de repos de tes 5 minutes dans ta journée pour pas y penser, parce que toute ta journée t'es en train de penser à ton projet, t'es en train de stresser sur comment est-ce que tu vas le faire, et tes 5 minutes de clope, et ben ça, c'est une sorte de délivrance un peu, et ce qui fait que en fait au final on est tous impactés par le tabagisme et par le fait d'être un petit peu accro au café, et ça joue énormément sur notre santé au final. Justement, il y avait eu il y a quelques années un sondage par l'UNEAP, donc l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage, sur la santé, les répercussions sur la santé. Et je me souviens plus exactement de la proportion, mais il y en a qui disaient qu'ils se droguaient pour. Exactement, ouais. Ouais, il y a des gens qui disaient prendre de la coke. Ça, c'est fou quand même. Ouais. Mais pareil, là, dans un des articles que j'ai cité au début, il y a une élève. Qui avoue avoir pris de la coke pour résister. Ce qui est très triste d'en arriver là, quoi. Exactement. Oui. Ouais, c'est assez hallucinant. Perso, moi, ça n'a jamais été le café, ni la coke, mais plutôt le Red Bull. Et plutôt même un Monster. Je me rappelle très bien d'une charrette où c'était la première fois que je prenais un Monster, donc une boisson énergisante. Et c'est celle de 50 centilitres, celles qui sont énormes. Et c'est bourré de sucre. Et je me rappelle avoir pris ça pour pouvoir bosser et rester éveillé. Et le souci, c'est qu'après, tu peux pas dormir. Je sais pas si vous avez déjà... Ça marche vraiment ? Vous en avez déjà pris, mais vraiment, tu sens ton cœur battre à une vitesse qui n'est pas du tout normale. Ouais, c'est du dopage, clairement, mais ouais. Moi, j'ai jamais fait ça, non. Vous êtes plutôt team café Moi, perso, je prends rien du tout. Mais, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu psychologique, genre le café et tout. Peut-être parce que, justement, je suis pas habituée. Ouais. Bah, d'ailleurs, voilà, j'ai trouvé les chiffres. Du coup, c'est une enquête lancée par l'UNEAP en 2017, qui a recueilli les réponses de 5435 étudiants. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Pour remédier au manque de sommeil, 8,8 des étudiants en architecture déclarent avoir recours à des médicaments, 5,1% à l'alcool et 3,8% aux drogues. Donc, on est sur des chiffres qui sont un peu inquiétants. Il y avait un chiffre aussi qui m'avait fait halluciner. C'était, je crois que c'est ça, enfin, peut-être que si tu as l'étude sous les yeux, tu peux me dire si je me trompe, mais c'était que genre 80% des étudiants dorment moins de 3 heures avant un rendu, un truc comme ça. Alors, je vais te les dire, 41% des étudiants en archi dorment moins de 3 heures, plus de 2 nuits par mois. Alors, est-ce que ça vous arrive ? Ou pas ? Oui. Oui, bah, c'est sûr que dans un mois, t'as moins de 2 nuits que t'as loupé, ça c'est sûr, ouais. Moi, pour le coup, ça m'arrive plus. Enfin, ça paraît tellement normal maintenant. Dernièrement. Moi maintenant, c'est vraiment maintenant. Et toi, Elliot, ça t'arrive encore ? Je suis d'accord, mais. Alors, justement, ouais, c'est ce que je disais au début, quoi. C'est qu'aujourd'hui, avec plus d'expérience et de recul, entre guillemets, je pense beaucoup plus à ma santé. Je m'autorise plus de dormir 2 heures par nuit. Mais là, d'ailleurs, ils disent les étudiants en architecture dorment en moyenne 6h23 par nuit. Soit une heure de moins que la moyenne nationale. Soit une heure de moins que la moyenne de l'INSEE. Est-ce que c'est sur des chiffres qui vous parlent ou pas du tout ? Ah oui, clairement, ouais. Mais pour moi, c'est devenu. Après, je dors pas beaucoup, perso. De dormir moins de 6 heures après, dans les périodes de rendu. Genre, tu te poses même plus la question de savoir si t'as fait tes heures de sommeil. Genre, ça devient tellement, tellement banal. Après, j'essaie juste de me rassurer en me disant je rattraperai ça après quand j'aurai du temps libre, quoi. Ouais. Parce qu'après, il y a la charrette et la méga charrette. C'est-à-dire que dormir 5 heures une nuit, moi je trouve que ça va en fait. Ça va. C'est une nuit, ça arrive, quoi. Même tu fais une soirée, tu dors chez des potes, tu dors 4 heures, c'est pas dramatique. Je trouve que ce qui est vraiment violent, c'est quand ça dure sur 3-4 jours d'affilée, quoi. Bah justement, il y avait cette... dans les articles que j'ai encore une fois cités au début, il y a ceux qui sont très affectés par cette culture de la charrette, et il y a ceux qui, pas en vendent le mérite, mais qui la défendent, qui disent que ça vient d'une manque d'organisation, qu'il y a un côté où ça unifie les étudiants, c'est comme s'il y avait fait service militaire ensemble, quoi. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui défendent la charrette, entre guillemets, mais qui sont en fait... des gens très aisés, qui ont un bel appart, qui ont des parents qui les aident beaucoup dans leur vie, etc. Et du coup, ça change tout, genre. Parce qu'en fait, on est hyper inégaux face à ce phénomène aussi, genre. Si tu vis dans un trop bel appart avec grave d'espace et tes parents qui t'aident au quotidien, t'es pas du tout la même personne face à la charrette que si t'es tout seul dans ton 9 mètres carrés et que tu dois faire tes courses, ta vaisselle, nettoyer, machin. Enfin, ça n'a rien à voir aussi. Ouais, c'est vrai que la taille... Ça m'agace énormément, en fait. La taille de ton appart peut beaucoup jouer là-dessus, parce que c'est clair que si tu as une grande chambre, tu fais ta maquette dedans, et ensuite tu vas dans ta cuisine te faire à manger, puis dans ton salon pour manger, c'est pas la même chose. Si tu restes dans le même espace... carrés, où tu fais tout dans le même espace, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que s'il faut tirer un espèce de très général sur la charrette, je trouve que le vrai souci, c'est que ça soit autant accepté, en fait, que ça soit devenu banal. Ça devrait pas être quelque chose de banal. Ça devrait être quelque chose d'exceptionnel. J'ai un projet. Morgan, t'as eu une expérience professionnelle qui était assez longue. Est-ce que dans le monde du travail, on retrouve la même chose? Est-ce que c'est pour nous préparer, comme disait Tristan, entre guillemets, au monde du travail? Après, moi, j'ai pas fait d'expérience professionnelle en agence d'archi. Mais c'est vrai que j'ai vu la différence de rythme de vie que j'avais. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon stage, je rentrais chez moi, je me déconnectais totalement du travail. Donc c'était juste trop bien parce que j'avais du temps pour vivre ma vie, bon, même si c'était moindre temps. Mais voilà, genre, je pouvais séparer les deux. Alors qu'en archi, le semestre juste après, je vivais tout le temps, enfin je pensais au projet constamment, je mangeais en pensant au projet, je cogitais tout le temps. Et c'est vrai que j'étais là, comme en plus on était confinés et j'avais que ma matière de projet, j'avais pas un prof forcément exigeant, mais juste je vivais une période où j'étais complètement décalée, je me couchais à des heures pas possibles. Et même ce qui était drôle, c'est que parfois, genre, je sortais dans mon salon à 3h du mat et là je voyais mes parents en train de télétravailler aussi. Enfin, c'était hyper bizarre comme temps, mais juste j'avais pas du tout le même rapport au monde professionnel, au travail, puisque en fait je bossais tout le temps en continu. Et après, je me faisais des week-ends, entre guillemets, au milieu de la semaine. Enfin, j'étais complètement déréglée. J'avais pas de rythme précis, quoi. Moi, j'ai fait un stage en agence pendant plusieurs mois, pendant 4-5 mois. Et j'ai pu... J'ai pu vivre exactement une semaine de charrette juste avant un rendu de concours où, du coup, toute l'équipe qui bossait sur le projet, on travaillait. On a dû travailler toute la soirée dans l'agence, en pleine nuit, on avait commandé à manger, et c'était même avec la directrice. Du coup, en soi, je suis d'accord dans le sens où ce moment-là où on était juste 5 à travailler toute la nuit sur un projet, c'était très unifiant, dans le sens où on pouvait, on était beaucoup plus chill, les gens ils fumaient à l'agence, il y avait de la musique, l'ambiance était très bon enfant. Mais après, au fil des heures qui passaient, 3, 4, 5 heures du mat, genre, l'ambiance, elle est plus du tout, bon enfant, en fait. Ouais. Tu te rends compte que tu vas y rester encore 2-3 heures devant ton ordi, devant ton écran qui te défonce les yeux. T'as mal au dos, t'es fatigué de partout et t'es obligé, en fait. Tu peux pas faire autrement que bosser, que ne pas t'arrêter de bosser. Donc ouais, moi je pense que ça arrive souvent, ces charrettes. Est-ce que, comment est-ce que toi, est-ce que c'est toi qui es resté de ton propre chef? Est-ce que tu sentais que si tu partais, ça allait te foutre mal? Alors, Ou est-ce qu'ils t'ont dit, écoute Tristan, on aimerait bien que tu restes quand même? Enfin, comment ça s'est passé? Bah, j'étais aussi avec une autre stagiaire qui venait de l'ESA, l'école spéciale. Yes. En fait, je pense que ils savent que en tant qu'étudiant, on a déjà vécu des nuits blanches. Donc ouais, ils se posent même pas la question de est-ce que ça va être dérangé ou pas. Genre, ça fait partie de tes études, ça fait partie de ton travail. C'est tellement banalisé que c'était vraiment pas la question. Après, du coup, c'est vrai que après une certaine heure dans la nuit, ils sont souciés un petit peu de nous pour dire bah prenez un taxi, rentrez, c'est pas grave, on va finir le reste du travail. Mais et puis ouais, et après du coup ils m'ont laissé la journée de libre du lendemain. Mais ça, c'est des trucs que parce que t'es stagiaire que t'as le droit à ces privilèges là mais quand tu travailles en agence, le lendemain tu dois être de retour à 8h du mat pour continuer à bosser, genre C'est comme ça que beaucoup de professionnels finissent par faire des burn-out. C'est parce que si on conditionne dès les études à manger sur tes nuits pour travailler et qu'on pousse ça justement après dans le monde du travail, au bout de 20 ans, 30 ans, dans le monde professionnel, tu douilles, quoi. Puis t'as plus le même âge, quoi. Mais c'est sûr. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut arrêter de conditionner les élèves, en fait. Il faut vraiment, du coup je me répète, hein, mais ne pas rendre ça logique en fait, ne pas en faire une évidence, quoi. Mais du coup il y a une conscience, je trouve qu'il y a une conscience collective qui est en train de se manifester, où on est en train de se rendre compte que bah il y a des abus, ça part dans des conditions un peu trop extrêmes à certains moments, et que justement c'est avec cette conscience collective et en parlant, en en discutant et en témoignant qu'on peut que les gens vont se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Parce que dans ce que j'ai lu, il y avait vraiment un silence sur les conditions de travail des étudiants avant. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que les gens sont plus susceptibles d'en parler. Bah, disons qu'il y a eu l'architecture jusqu'à pas mal de temps. Pour beaucoup de gens, c'était une filière qui était chill, en fait. C'était une filière tranquille, c'était des études faciles. T'es sûr de toi là-dessus? Bah, pour moi, c'est quand même un peu en train de changer. C'est l'image que ça avait d'extérieur. Est-ce que c'était pas plutôt genre ça paraît chill parce que personne ne dit rien? Et aujourd'hui, oui, juste les langues c'est se nient des nous. Il y a ça paraissait chill, tu vois. Ouais. Et il y a les réseaux sociaux, les gens parlent. Bah ouais. Et puis les voix se lèvent, quoi. Je pense vraiment que les langues sont en train de se délier. Ça fait un peu, c'est un peu une phrase cliché, mais je trouve que c'est vrai. Il y a tellement de comptes Instagram qui sont en train d'arriver pour parler des abus par rapport à ça. Je pense pour Max, c'est inédit. J'ai pas fait de mémoire sur la question, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que c'est on va dire on parle plus qu'avant. Je sais pas si ce que vous en pensez, quel est votre ressenti par rapport à ça. Oui, je suis d'accord, mais c'est grâce aux réseaux sociaux aussi, hein. On peut grave en parler. Il y a des comptes d'architecture, enfin qui font des sortes de, je sais pas si vous avez vu ce compte, ou qui font des compiles de phrases cultes des profs ou des trucs que t'as entendu en archi. Ouais. Tu te rends compte en fait tu subis la même chose que tout le monde subit la même chose, et les remarques des profs qui disent que tu travailles pas assez même si t'as pas dormi de la nuit, ça c'est, on arrive à se rendre compte qu'en fait on n'est pas tout seul dans ce merdier. Même aussi il y a des comptes qui regroupent tous les abus qu'il y a avec les stagiaires en architecture dans les agences, avec des mails, des pleurs, enfin des... Ouais, ça regroupe pas mal de choses. Bah, il y a tout, j'ai l'impression qu'il y a des années de remarques sexistes, homophobes, discriminatoires en général, qui sont en train de ressortir, aussi. En fait. Et le harcèlement dans l'architecture... Après, l'architecture, c'est quand même... ça, on le sait, c'est une profession qui est en train de se féminiser. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment jusqu'à il y a plusieurs années, c'était vraiment... quand tu regardes, par exemple, les profs de Malaké, c'est presque que des hommes. Et du coup, il y avait ce rapport de force hyper inégal. Ah ouais. Où aussi, en plus... Puis même n'importe quel cliché d'un prof d'archi, ça va être un blanc, vieux, avec des cheveux gris. Ouais, c'est ça, en vrai. Pantalon noir et col roulé noir. C'est ça. Qui dessine sur du calque à longueur de journée. C'est vrai que c'est un peu ça, mais après... Il pense qu'il sait tout et qu'il doit tout apprendre. Ouais, non, c'est un peu ça, mais après, ça dépend, parce que t'as des vieux, en fait, qui sont jeunes, en fait. Et t'as, au contraire, t'as des jeunes. Oui, bien sûr, bah, il y a des gens vieux, qui, heureusement, ont su s'adapter. Ouais. Mais du coup, pour toi, Fane, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de dynamique qui vient aussi de tout. Enfin, j'arrive pas à parler, pardon. Genre, tout ce qui est les mouvements contre le racisme, contre. Enfin, des mouvements féministes. Tu penses qu'il y a un peu une émergence collective qui fait aussi partie du fait qu'on arrive plus à dire ce qu'on pense, Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une émulation ça s'inscrit totalement dans cette lignée-là. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus faire de raccourcis trop, trop brutaux, mais je pense que c'est forcément lié, en fait. C'est dans cette démarche, on va dire, d'émancipation de l'individu, quoi. En tant qu'individu en lui-même et qui refuse de se plier à des choses auxquelles de subir, en fait, je dirais ça. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, pour le cas des architectes, j'ai l'impression que c'est nourri par un désenchantement. C'est-à-dire que là, les perspectives d'avenir, déjà, elles n'étaient pas folles pour les architectes. Enfin, ça va, mais c'était pas folle avant le Covid. Mais là, on se demande même si quand on sortira de nos études, on aura un travail, en fait. Enfin, pour le coup, moi, je me demande ça. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me tuer la santé pas avoir de travail après. La réponse est non. Alors, petit sondage, là, parmi nous quatre, qui a déjà pensé à arrêter Archie? Tout le monde, j'imagine. Je pense que ça nous est tous passé par la tête. Ah oui, je pense qu'il y a pas mal de remises en question quand tu te retrouves dans des situations où tu bouffes ta santé pour travailler. Mais est-ce que vous avez une musique qui revient à vous pendant vos charrettes? Ou une playlist? Ah, c'est une bonne question. Ou un type de musique qui est vraiment là pour vous motiver ou un truc comme ça. Quand je faisais des charrettes, je me souviens que j'en pouvais plus de mes propres playlists. Et c'est pour ça que j'ai commencé à taper n'importe quoi dans YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter de la K-pop. Alors que je pense pas que l'idée me serait venue, avant ça. Mais du coup, maintenant, je suis content, j'en écoute un peu. Mais parce que vraiment, je me suis dit, allez, j'écoute un truc que j'ai jamais écouté. Qu'est-ce qui reste, quoi? Est-ce que, enfin, je sais pas, ça m'a fait découvrir des trucs bizarrement. Ouais. Morgane, t'écoutes de la K-pop toi aussi? Non, je suis jamais encore entrée dedans, mais ça ne saurait tarder. Mais en vrai, j'écoute en aléatoire mes chansons, ça dépend de mon mood. Par contre, j'ai une playlist qui s'appelle Une heure en enfer où il y a genre que des hits horribles des années 2000, genre du Cascada. Voilà, on est d'accord, mais c'est les hits des années 2000, je trouve ça motive trop. Ah non, ouais, de ouf. Mais non, mais là, c'est vraiment plus hardcore que juste des années 2000. C'est genre que de la dance. Enfin, un truc horrible, mais c'est quand je suis vraiment trop down, ça m'aide à me réveiller un peu. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Ma playlist, c'est grave. C'est de la pop ultra commerciale, genre où t'as envie de t'ambiancer et tout. Genre quelque chose qui te donne un petit peu de punch, quoi. Parce que, bah, du Britney Spears, quoi. Tu t'endors, genre. Ah ouais, mais de ouf. J'avoue que Toxic passerait très bien. Britney Spears. Ah, mais... Lady Gaga. Je me retrouve à danser, mais c'est... Non, mais après, ça dépend. Si t'es hyper concentré, vaut mieux écouter du classique ou du jazz, enfin, ouais, un truc un peu plus chill, quoi. Ça dépend des phases de projet. Si t'es dans de la conception, t'es plus envie de te concentrer. Donc, c'est vrai que le classique, ça marche vraiment. Ou les trucs jazz, les trucs ambiance, comme Fane disait, c'est vraiment bien. Mais après, quand c'est vraiment juste du plan où tu passes des heures à faire des polylignes, bah, toi, t'as pas besoin de te concentrer, tu mets de la musique à fond et tout, tu t'ambiances. C'est cool. Et vous avez, pareil, pour traverser des charrettes, utilisé d'autres méthodes, à part la musique, le podcast, la série. Est-ce que vous avez arrêté de faire en groupe? Est-ce que ça aide ou est-ce que c'est plutôt une source de déconcentration? Ouais, moi je trouve que ça aide. Moi, ça m'arrive des fois de fumer un petit joint. Ah. C'est, franchement, c'est un petit peu. Genre, ça, je trouve que ton esprit est peut-être plus clair, mais dans le sens où c'est plus facile de se concentrer, de ne pas perdre sa motivation. Et sinon, j'aime bien faire des sortes de visioconférences avec des gens qui travaillent avec toi. Genre, tu les vois travailler, du coup, ça te donne la motivation de travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, tu faisais partie des 3,8% qui se droguaient. Exactement. Survivre une charrette. Je trouve qu'il y a aussi ça, c'est aussi à un moment donné où tu arrêtes de penser. Je sais pas si vous avez ça, mais perso, je me rappelle que À un moment donné, vraiment, je switch en mode automatique, robot, et je ne réfléchis plus. Du coup, tout ce que je produis, ça perd en qualité puisque ça manque de recul et de réflexion. Et du coup, le produit final qui est présenté manque de qualité à la fin. C'est clair que si tu considères qu'être architecte, c'est construire un discours et écrire un scénario de projet, donner du sens, la charrette, c'est juste totalement inadapté. À aucun moment, il y a de la réflexion. Je veux dire, à aucun moment, tu vas te dire « Je vais arrêter de dormir pour réfléchir pendant 9 heures d'affilée. » Non, tu t'arrêtes de dormir pour faire des trucs, pour exécuter des tâches précises, quoi. C'est ça. En fait, je trouve ça dingue. Il faut quand même que tu aies pensé déjà tout en amont et que tu sois sûr de ce que tu fais. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Et jouer un peu entre ce que tu produis, mais toujours le discours derrière, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils, voilà, pour quelqu'un qui commence l'architecture ou qui voudrait commencer l'architecture par rapport à l'attitude qu'il faut avoir face à cette charge de travail, face à ces conditions qui peuvent être compliquées pendant ses études. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Être passionné déjà, j'imagine. Il faut vraiment aimer ça parce que si tu n'aimes pas du tout... t'as plus de motivation, et je pense qu'au final tout est question de motivation. Et même quand t'es en charrette, être motivé pour travailler et avoir la force de continuer toute la nuit, ça c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que, en vrai, écouter de la musique, regarder une vidéo, regarder une série pendant que tu fais ça, en fait faire quelque chose de ludique et qui te fait plaisir pendant que tu travailles, c'est hyper important pour pouvoir continuer et pour pouvoir avoir la motivation. Donc moi ce serait ça mon conseil, de trouver des trucs qui te font vibrer en même temps que tu travailles et de kiffer ce que tu fais, d'être fier de du travail que tu produis. Morgane ? Ouais, je suis assez d'accord. Et je rajouterais juste peut-être de... Voilà, si tu sens que c'est trop dur et que vraiment tu n'y arrives pas, il faut pas forcer pour moi. Genre il faut savoir se donner des pauses, il faut savoir juste mentalement t'arrêter et te... penser à rien pendant au moins 5 minutes, tu vois. Je pense que ça peut aider aussi à se recadrer. Penser à soi, quoi, aussi. Se dire que tout ne doit pas dépendre de ton travail et que la santé, c'est important. Je pense que ça demande un certain niveau de recul pour se dire que... Ouais, comme on disait, il y a des choses qui sont plus importantes. Voilà, il faut dédramatiser un peu la situation... Mais en fait, je pense qu'aussi, il faut avoir ce déclic de « je suis pas indestructible », en fait. Il faut le... Ouais. Genre, ça, des fois, il t'arrive un truc, une petite connerie de santé, pas forcément grave du tout, ou juste il arrive un truc à un de tes proches, et du coup, tu te dis « non, je suis pas indestructible ». Et là, en fait, je pense qu'il y a un basculement dans ta pensée à partir de ce moment-là. Ouais, parce que je pense qu'on a l'habitude de se pousser un peu à bout, et il faut pas aller faut pas aller trop loin à un moment donné, parce que ouais, il y a des gens qui ont des séquelles après, hein, de... Ah bah évidemment, moi je pense que de cette pratique si je devais donner un conseil, ce serait justement de pas se conditionner, parce que les répercussions des charrettes que vous allez faire aujourd'hui, elles vont durer potentiellement pour certains des années, enfin je veux dire, ça va ressortir dans votre santé, dans votre état physique, donc c'est ouais. C'est pour ça que je pense que si t'en fais une, il faut se dire que c'est exceptionnel, mais il faut pas que ça devienne la norme de tes semaines de travail. Et non, moi aussi... Ouais, c'est pas un rituel. Voilà. Et après, non, mais c'est un conseil plus général sur les études, mais qui du coup impacte énormément sur la charrette, c'est que moi, je me défonce au sport, en fait. Je me déglingue. Je vais courir, je fais de la corde à sauter, ou alors je vais faire du skate. Et en fait... Ça t'élimine un nombre de pensées parasites, c'est incroyable. Tu sais, en fait, quand Morgane disait justement que tu passais beaucoup de temps à réfléchir et que du coup, bah, tu te retrouvais au dernier moment à faire un truc parce que tu sais pas quoi faire, je trouve vraiment que moi, le sport, en tout cas pour ma physionomie, ça va me dire, c'est ça ton objectif, et toutes les pensées autour, ça va les virer, quoi. C'est ça qui nettoie la réflexion. C'est un peu le même principe que la méditation aussi. T'en fais, toi, Morgane ? J'en fais un petit peu pendant le confinement, j'en ai fait un petit peu parce que je suis avec un pote qui en fait. Et c'est vrai que ça, enfin, faut être réceptif à ce genre de pratique et faut aimer ça, mais Franchement, ça marche quand tu es à fond dedans. Genre, juste, tu essayes d'éliminer tout ce qui est parasite dans ta tête. Ou alors, au contraire, tu laisses les choses venir. Mais il faut juste que tu arrives à te débrider. Et... Enfin, parce qu'il y a forcément un truc au fond de toi qui bloque un peu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut. De Radio Malak. Salut.